avec fond du cœur, la douceur qui faisait ton charme. Mais quand j'ai voulu t'embrasser, j'aurais voulu te dire adieu sans un regret, sans une larme. J'aurais voulu, oui, mais voilà, toi tu as joué de tes armes. Alors j'ai crié,